Violation flagrante des droits élémentaires. Opinion sans phare. Aujourd'hui, avec le conseiller national UDC, Andreas Glarner, du canton d'Argovie, qui décrit l'introduction du certificat obligatoire dans toute la Suisse comme une violation flagrante des droits civiques élémentaires. L'article a été publié le 24 septembre 2021 dans le commentaire du vendredi « Brisant » de Schweizer Zeit. Le Schweizer Zeit est un magazine pour l'indépendance, le fédéralisme et la liberté. Violation flagrante des droits élémentaires par le conseiller national Andreas Glarner. Le Conseil fédéral n'était probablement pas tout à fait conscient de ce qui déclenchait au niveau national avec l'introduction du certificat obligatoire. Ainsi, harceler les non-vaccinés pour qu'ils se laissent vacciner lui semblait être une méthode élégante pour les obliger à se faire vacciner. L'introduction du certificat obligatoire est indirectement une vaccination forcée. Croyant avoir la majorité des vaccinés derrière lui, le Conseil fédéral s'est abaissé à cette monstruosité. Si l'on avait prétendu, il y a un an, qu'une telle chose pouvait se produire dans une Suisse libre et démocratique, on se serait moqué de nous. Mais maintenant, cette vaccination obligatoire de facto est une réalité. Le Conseil fédéral n'a probablement pas tenu compte des personnes qui seraient touchées. Mais aujourd'hui, des étudiants ne sont plus autorisés à aller à l'université, à moins qu'ils se fassent vacciner ou tester plusieurs fois par semaine. Les jeunes doivent-ils vraiment se soumettre à une vaccination obligatoire alors qu'ils sont en parfaite santé et qu'ils survivraient à une éventuelle maladie avec plus de 99% d'entre eux? Harcèlement du salarié. Comment les ouvriers du bâtiment, les chauffeurs routiers et les monteurs non vaccinés sont-ils censés prendre leur pause du matin? Comment sont-ils censés prendre leur déjeuner? Se faire tester à chaque fois et ensuite payer les tests? Les nobles messieurs dans leur bureau l'ont brisé, n'ont probablement pas pensé à cela. Je vous dis une chose clairement, si nos chauffeurs routiers ont un jour l'idée de faire une grève de protestation, ce ne sera pas seulement le papier toilette qui manquera dans les magasins. Prenons également soin des personnes qui sont sur la route pour nous chaque jour, qui travaillent dur pour nous dans les fossés, dans les chantiers et ceux qui installent ou réparent nos équipements. L'argument selon lequel on doit faire un test ne tient pas la route. Ces personnes sont-elles vraiment censées faire la queue pendant plusieurs heures, deux ou trois fois par semaine, dans des centres de dépistage complètement débordés? Ne faudrait-il pas introduire un certificat obligatoire dans les transports publics? Nulle part ailleurs, il n'y a plus de personnes entassées dans un espace très réduit que là. L'ancien conseiller d'État zurichois, Christian Huber, l'a bien résumé. On a le droit d'aller au zoo dans un tramway complètement bondé, sans aucune mesure de contrôle. Bien sûr, mais dans le zoo. Il faut ensuite un certificat pour se promener dehors. Priorité absolue, la liberté des citoyens. Il est légitime de se faire vacciner, je l'ai aussi fait. Mais il est également permis de ne pas le faire. Il ne doit pas y avoir de vaccination obligatoire indirecte et encore moins directe. Et c'est exactement la raison pour laquelle cette obligation absurde d'obtenir un certificat doit être abolie immédiatement. Elle est inutile et divise la société. Selon le Conseil fédéral, les protégés doivent maintenant apparemment être protégés des non-protégés en forçant les non-protégés à utiliser la protection qui ne protège pas du tout les protégés. Je vous garantis une chose et vous pouvez me poursuivre pour cela. Nous ne nous débarrasserons pas du scarabée avec cette vaccination. Israël, champion du monde de la vaccination, nous montre que ce pays est désormais de facto une zone à haut risque. Selon la prestigieuse revue Science, aujourd'hui 60% des vaccinés sont malades. Les gens sont furieux et nous assistons à une intensité de la situation qui doit vraiment s'arrêter. Sinon, cela va mal se finir. Si vous partagez l'avis de Andreas Glarner, alors votez non au dangereux durcissement de la loi Covid le 28 novembre. https://covidgz-9.ch